Je le connaissais depuis tout petit, presque comme un meilleur ami. Je n'ai pas su le protéger, je l'ai perdu à tout jamais. Je l'ai perdu à tout jamais. Même si on se voyait pas souvent, il était là, c'est l'important. Je savais que je pouvais compter sur lui, mon tout, mon équilibre aussi. Mon tout, mon équilibre aussi. Et aujourd'hui qu'il n'est plus là, je pleure, mais c'est tout, c'est comme ça. Et puis je ne peux m'en prendre qu'à moi. J'avais qu'à écouter papa. J'avais qu'à écouter papa. Mets tes chaussons, disait mon père. Fais attention, disait ma mère. C'est ma morale pour les gamins. Arrête donc de faire le malin. Arrête donc de faire le malin. Merci au professeur Tribou qui l'a accompagné jusqu'au bout. Au personnel de la clinique, surtout Micheline, t'es fantastique. Surtout Micheline, t'es fantastique. Maintenant faut expliquer aux autres qu'il faut faire sans le petit de la bande. Ils seront plus pareils dans leurs bottes. Maintenant qu'ils ont perdu leurs potes. Maintenant qu'ils ont perdu leurs potes. J'ai protégé tous les coins de meubles. Ça me ferait trop mal à la gueule. Bien sûr, ma vie n'est plus pareille. Depuis que j'ai plus mon petit orteil. Depuis que j'ai plus mon petit orteil. Depuis que j'ai plus mon petit orteil. Depuis que j'ai plus mon petit orteil.